À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti de travail de Corée, Madame Chung Il-sim, femme du feu héros de la République Han Dong-soo, et le comité suisse Corée ont fait parvenir les corbeaux de fleurs aux statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu. Les corbeaux de fleurs ont été déposées le 9 courant devant les statues.